Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le printemps arabe en Égypte. Notre invité Claude Guibal, bonjour. Bonjour. Grand reporter pour le service international de Radio France. C'est l'ancienne correspondante en Égypte pour Radio France de 1997 à 2012 et auteur de l'ouvrage intitulé « L'Égypte de Tahrir, anatomie d'une révolution ». Le morceau de musique qu'on a entendu, qu'on vient d'entendre, magnifique d'ailleurs, qui donne des frissons, c'est Kairouki et Aïda El Ayoubi, et ces deux femmes chantent où est passée la place Tahrir. Hein, oui. C'est un chant révolutionnaire et qui a du sens au regard de ce qu'est le régime aujourd'hui en Égypte. Peut-on dire, comme je l'ai dit à la fin du récit, que le régime actuel du maréchal Sisi est pire finalement que celui de Moubarak? Oui, je crois que la répression n'a jamais été aussi forte. On parlait tout à l'heure de dictature molle pour l'Égypte de Moubarak. On est passé dans une dimension supérieure aujourd'hui. Les chiffres sont terribles quand on parle du nombre de prisonniers politiques, plus de 60 000 prisonniers politiques, des centaines de disparitions forcées, une répression envers les médias notamment absolument ahurissante. L'Égypte de Moubarak était une Égypte extrêmement dure. Mais il est certain que l'Égypte de Sisi, elle, l'est encore plus parce qu'il y a l'intention affichée clairement par le président Sisi au moment de sa réélection de ne jamais voir se repasser ce qui s'est passé en 2011. Le mouvement de balancier réactionnaire par rapport au mouvement révolutionnaire, c'est ça en fait qui s'est passé? Oui, il faut dire que l'Égypte est un pays déjà extrêmement conservateur et traditionnel et qui a vraiment senti son assise basculer au moment de la révolution parce que beaucoup de choses ont changé. D'abord, il faut voir qu'au moment où la révolution a éclaté en Égypte, l'Égypte était un pays qui était sur une certaine dynamique économique et cette dynamique économique-là qui était déjà loin à l'époque de bénéficier à l'ensemble de la population puisqu'on estimait que même pas 10% des Égyptiens sentaient les fruits de cette croissance qui à l'époque était de 6-7%. Aujourd'hui, tout s'est écroulé forcément avec l'instabilité qui a suivi la révolution. L'Égypte, elle a été basculée, elle a été profondément bouleversée en fait dans ses fondements. L'armée, qui est la colonne vertébrale de l'Égypte, a elle aussi été bouleversée. Les rapports générationnels, parce que la révolte de 2011, c'est aussi une révolution de la jeunesse, hein, vous l'avez bien dit dans cette émission. Elle a eu très peur, l'Égypte. Elle a eu très peur parce que à cette révolution a succédé l'élection de Mohamed Morsi, qui a été le premier président civil de l'Égypte et qui était un président frère musulman. Vous évoquiez l'armée, donc institution toujours aussi forte, mais pourquoi le peuple a-t-il tant confiance en son armée ? Alors, est-ce qu'il a confiance? Est-ce qu'en fait, il a le choix? Alors, l'armée, il faut avoir conscience de ce qu'est l'armée en Égypte. Et ça, il faudrait remonter aux années 50, 1952. C'est le coup d'État des officiers libres. L'Égypte, d'une monarchie et d'une monarchie qui est, en ce moment-là, à la solde des étrangers, des Britanniques, auparavant des Français. Enfin, 1952, c'est la révolte des officiers libres. Naguib puis Nasser incarnent l'Égypte libre, pour la première fois depuis les pharaons, et c'est très important, ce sont des Égyptiens, 100% Égyptiens, nés sur le bord du Nil, qui dirigent le pays. Et donc cette armée, elle est considérée comme la garante des valeurs de l'Égypte moderne. C'est elle aussi qui incarne toutes les guerres avec Israël, et ça c'est fondamental dans la psyché de l'Égypte contemporaine. Et puis l'armée égyptienne, si elle est si forte, c'est que justement dans ces années-là, dans ces années 50, il y a tout un tas de nationalisations qui vont permettre à l'armée égyptienne en fait de prendre la main sur une énorme partie de l'économie, des industries, de l'immobilier, les sources d'eau, les côtes, etc. Et donc, on estime aujourd'hui que l'armée égyptienne, elle tient à peu près au moins 25% de l'économie du pays. Cette armée, elle ne s'est jamais levée contre le peuple. Elle est donc considérée comme celle qui est vraiment la gardienne du pays, contrairement à la police qui, elle, est toujours apparue comme le bras armé du régime, au service du régime. La police égyptienne était connue pour sa corruption, pour être un État dans l'État. Quand on rentrait dans un commissariat, disait-on, la formule de bienvenue, c'était de se prendre une gifle. Et si on ne savait pas pourquoi, ça allait vite venir. Voilà, c'était comme ça que les Égyptiens considéraient leur police, donc comme une police corrompue, alors que l'armée, elle, vivait à l'écart. D'ailleurs, les militaires égyptiens ont leur club privé, leur supermarché privé. Tout le monde a plus ou moins de près de loin quelqu'un de sa famille qui est dans l'armée, et puis surtout tout le monde passe par les rangs de l'armée. Oui. Et en cela, elle est vraiment le creuset de la nation. Alors, on va apprendre un mot arabe, nocta. Nocta. C'est une blague caustique et mordante, typiquement égyptienne, alors qui a circulé dans le pays. C'est vous qui l'a rapporté dans votre livre, Claude Guibal. Au premier jour de sa présidence, le chauffeur d'Hosni Moubarak, hérité de ses prédécesseurs d'ailleurs, lui demande quel chemin emprunter pour se rendre au palais présidentiel. Que faisait Nasser, s'enquiert alors Moubarak. Nasser, il prenait toujours à gauche, répond le chauffeur. Ah bon? Et que faisait Sadat? Eh bien, il prenait toujours à droite. Moubarak réfléchit alors un moment et répond « Mets le clignotant un coup à gauche, un coup à droite, égare-toi. » Métaphore du régime de Moubarak, 30 ans d'immobilisme, c'est ça ? 30 ans d'immobilisme, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, 30 ans d'immobilisme qui ont aussi été 30 ans de paix, ce qui a permis à l'Égypte, en fait, de se développer, de se sortir aussi des conflits israélo-palestiniens. Il faut voir que on célèbre cette année le 40e anniversaire des accords de Camp David, qui marque donc les accords de paix entre l'Égypte et Israël. Et c'est vrai que ces accords qui ont mis l'Égypte au banc du monde arabe, lui ont aussi permis à un moment de se reprendre, de pouvoir rebâtir une économie très sinistrée par les guerres. Mais voilà, l'Égypte de Moubarak, c'est une Égypte qui reste figée, qui oublie qu'il y a une jeunesse qui grandit, une part énorme de la population à moins de 25 ans, et c'est une Égypte qui vit complètement figée économiquement. Rien de secret, c'est une économie de rente, hein, l'Égypte. Il faut voir quelles sont ses sources de devises, c'est le tourisme, c'est le pétrole, ce sont les revenus des Égyptiens qui vivent à l'étranger, c'est le canal de Suez, et donc l'Égypte n'est pas un pays qui crée. Il y a des diplômés qui sont au chômage, et il y a toute cette génération de gens qui arrivent à l'âge adulte en étant moins confiants, et à juste titre, dans l'avenir que leurs parents, alors que toute la journée, la presse gouvernementale leur serine que tout va bien, qu'il y a de l'argent, que le chômage baisse, et à ce moment-là, commence à arriver sur les écrans égyptiens Al Jazeera, on commence à avoir un petit peu Internet, et là, les Égyptiens, les jeunes Égyptiens, se rendent compte qu'ils vivent dans un monde de dupes, qu'on leur ment, et que l'avenir, en fait, est complètement bouché. Alors, nous allons écouter une archive ensemble, un extrait de l'émission Réplique, diffusée sur France Culture, où le journaliste Renaud Girard s'exprime sur un événement important sur lequel on est passé assez vite dans le récit parce qu'il était très court, la prise et l'exercice du pouvoir par les frères musulmans. Les frères musulmans ne sont pas au départ de la révolution égyptienne. Ce sont plutôt la jeunesse, les blogueurs, etc. Ensuite, ils vont se rallier, parce que les frères musulmans, depuis une dizaine d'années, collaboraient avec le régime de Moubarak. Deuxièmement, c'est vrai qu'ils gagnent les élections parce que c'est la seule partie organisée. C'est un parti très fort, les frères musulmans. C'était fondé en 1928, organisé sur le modèle mussolinien, fasciste à l'époque, par Hassan el-Banna. Donc, grâce à leur organisation, ils gagnent. Et puis, Morsi va gouverner. Et il y a deux choses qui se passent. C'est que, premièrement, il y a une grande incompétence dans les ministères, ça c'est tout à fait certain, et aussi une idéologisation, c'est-à-dire qu'en fait, on l'avait nommé là parce qu'on pensait qu'il pourrait faire ça, parce que les frères musulmans avaient une réputation, assez d'ailleurs justifiée, d'honnêteté, c'est-à-dire de ne pas être corrompus financièrement, mais il y a eu cette idéologie qu'ils ont essayé d'appliquer, et donc ils ont commencé à expliquer au peuple égyptien que la femme n'était pas vraiment l'égale de l'homme, mais le complément de l'homme. Et ça, tout ça, évidemment, n'est pas passé. Mais quel genre de régime était-ce, d'un point de vue des libertés publiques et individuelles? Le régime de Mohamed Morsi, au niveau des libertés publiques, surtout, il faut se souvenir que Mohamed Morsi, quand même, s'arroge les pleins pouvoirs en 2012, et c'est ce qui va précipiter sa chute. Mais effectivement, une fois arrivé au pouvoir, les frères musulmans, qui pendant la révolution avaient réussi à montrer un visage plus ouvert que celui qu'on leur connaissait, notamment grâce à une frange des frères musulmans qui apparaît à ce moment-là et qui va vite être réprimée par la suite, qui sont les jeunes frères musulmans qui sont eux aussi en révolte contre leurs aînés et challengent un petit peu les structures traditionnelles de la confrérie. Et Morsi, quand il arrive au pouvoir, les choses sont très vite moins roses qu'on l'imagine, puisque c'est vraiment une dérive autistique. Il ne fait plus attention du tout à l'opposition avec laquelle il a pourtant très très bien su composer jusqu'alors. Et lorsqu'il s'arroge les pleins pouvoirs, c'est à ce moment-là qu'il se met complètement à dos l'armée, parce que les frères musulmans, quand même, s'ils ont réussi à se sortir par le haut de cette révolution, c'est justement précisément parce qu'ils ont passé des accords avec l'armée. C'est ce qui leur vaut la haine farouche du reste de l'opposition, qui considère que les frères musulmans ont trahi la cause révolutionnaire. Alors, on en arrive à la question, sur la dernière question d'ailleurs, elle est importante, on se souvient tous, on a tous des souvenirs précis de cette année 2011, donc ça commence par la Tunisie. Puis on s'est dit, maintenant, l'Égypte, ça va probablement être comme la Tunisie. Après, on a eu la Libye, on se disait, on avait plus de doutes sur ce point. Puis il y a eu la Syrie qui s'est terminée et ça continue en drame absolu, pas à cause de la révolution, mais à cause de la répression contre les forces démocratiques. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte pour que on ne connaisse pas un scénario à la tunisienne? Un scénario à la tunisienne, ça serait post-révolutionnaire. L'histoire de la Tunisie et l'histoire de l'Égypte ne sont pas comparables, parce que c'est vrai qu'il y a la Tunisie est un régime qui est plus ouvert aux questions démocratiques, qui est déjà il y a beaucoup moins de monde aussi. On parle en Égypte, il y a 80 millions d'habitants au moment de la révolution, 100 millions aujourd'hui. La Tunisie, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Et puis surtout, les islamistes tunisiens ont vécu longtemps à l'étranger, ont vécu en exil, ont l'expérience de ce qu'est la démocratie. On a l'expérience de ce qu'est la politique. Le terrain était plus propice. Le terrain est beaucoup plus propice. La population tunisienne est bien plus éduquée que la population égyptienne. En Égypte, la chose était très différente. Les frères musulmans bénéficiaient et bénéficient toujours d'un soutien dans la population extrêmement conservatrice, illettrée, analphabète, qui voyait dans les frères musulmans comme, ça a été très bien dit par Renaud Girard, comme effectivement des gens honnêtes, en tout cas moins corrompus que le régime. On disait que une livre égyptienne qui allait dans la poche des frères musulmans, on voyait où elle allait. Toute dernière question, pardon de bousculer Claude Guibal, mais l'heure c'est l'heure. Une toute dernière question rapidement à l'aide d'actualité. Est-ce que ce qui se passe en ce moment en Algérie ressemble plus ou moins à ce qui s'est passé dans les autres pays du Maghreb? Alors moi je ne peux pas m'empêcher de faire des comparaisons, effectivement, même si là encore l'Algérie n'est pas l'Égypte, et surtout ce qui se passe en Algérie nous est quand même très très opaque, parce qu'on a quand même vraiment un manque de connaissances intimes du système algérien et du poids de son armée. Mais effectivement, les choses sont les mêmes dans le sens où l'armée est toute puissance, l'armée tient le pays, et surtout, il semble que l'armée algérienne soit prête, comme l'a fait l'armée égyptienne, à sacrifier la tête, à sacrifier Moubarak pour l'Égypte, sacrifier Bouteflika pour l'Algérie, de façon à préserver le régime, le système, le fameux Nizam qu'on a construit en Égypte, en Tunisie ou en Algérie aujourd'hui. Merci infiniment, Claude Guibal, pour tous vos éclairages et votre connaissance de la situation politique de ce pays. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le printemps arabe en Égypte, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à Pauline Laverdure qui était à la technique aujourd'hui.